On va parler de nage en eau libre. La semaine passée, on sait qu'on c'était la traversée de Chibougamau. Là, maintenant, c'est la traversée du lac à Jim, une compétition. Là, c'est la 8e et déjà édition. Ça passe déjà très, très vite. On en parle avec la responsable Gabrielle Totti. Salut, Gabrielle. Bonjour. Gabrielle, 8e édition cette année. On dit que ça va être vraiment, encore une fois, un plateau relevé cette année. Oui, exactement. Il y a une dizaine de nageurs qui sont inscrits aux 15 km, d'excellents nageurs, parce qu'il faut quand même le mentionner, c'est tous des nageurs qui vont participer soit aux 32 km à la traversée, aux 10 km finaux, ou 10 km de la relève. Donc, d'excellents nageurs qui vont être avec nous cette année. OK. Dis-moi, si on parlait un peu, c'est vu vraiment comme une, pour les nageurs, là, c'est vu comme une belle préparation en vue de la traversée du lac Saint-Jean. Là. Oui, exactement. Là, ça tombe à point dans le calendrier. Deux semaines avant les grosses compétitions qui s'en viennent, le dernier gros entraînement là qui rapporte également. Là, ça nous permet de voir comment les autres compétiteurs sont préparés, comment nous on est préparés. Là, donc oui, c'est excellent là, pour la préparation pour la traversée. Est-ce que c'est difficile de recruter des nageurs? Parce qu'année après année, la traversée font des marathons de la relève. Le but, évidemment, c'est d'assurer la pérennité de la traversée. Est-ce que c'est difficile pour le lac à Jim où ça se fait de mieux en mieux, étant donné que vous êtes plus connus là? Je vous dirais là, que l'année passée, avec les nageurs qu'on avait, je me disais, mon Dieu, l'année prochaine, on va-tu avoir des nageurs aux 15 km? Parce qu'il y en a beaucoup que c'était leur dernière année de compétition. Ouais. Je vais vous dire que j'étais un petit peu inquiète, mais au contraire, le bouche-à-oreille fait son effet. On a plusieurs nageurs de la relève. On a 4 nageurs quand même là, qui vont en être à leur première présence là, aux 15 km. Okay. Avec le bouche-à-oreille, là, de plus en plus de clubs de Montréal descendent, là, même pour le 5 km de la Coupe Espoir, pour les autres compétitions. Là. Donc, non, on est super contents. Là. Ça se fait un peu tout ça. Donc, vous bénéficiez un peu, Gabriel, du travail que la traversée font, là, le marathon de la relève, et ainsi de suite. Vous bénéficiez de ça aussi, là? Oui, puis non, parce que même si la traversée a tellement une grosse réputation, ouais, que c'est pas eux qui nous apportent du monde, d'autant plus qu'ils sont après nous. Ouais. Donc, tu sais, de faire descendre les gens de Montréal deux fois en deux semaines, en l'espace de deux semaines, moi, c'est, okay, je dirais que c'est quand même un beau succès. Mais on a une excellente réputation, autant les nageurs, les entraîneurs, les familles, sont enchantés quand ils arrivent au lac à Jim, sont satisfaits de l'organisation, la sécurité qui est autour des compétitions. Là, donc, je vous dirais qu'on est victime un peu de notre succès. L'hospitalité, quoi, le site, le lac Saint-Jean, c'est notre réputation, l'hospitalité, là, ça doit être ça? Oui, ben je pense que l'hospitalité, l'accueil, puis même la beauté là, des, ouais, lieux. Là, écoute, il y a peu de gens de l'extérieur qui connaissent le lac à Jim. Puis quand ils arrivent, en fait, ils se demandent un peu où est-ce qu'ils vont se ramasser, ouais, parce qu'on se le cachera pas, ils font quand même une partie du chemin dans le bois. Mais quand ils arrivent au lac à Jim, tout le monde est super satisfait, ils trouvent ça magnifique. Je vous dirais que si on avait voulu inventer une compétition en eau libre, c'est ce site-là qu'on aurait inventé. Là. Ouais. C'est très, très, très adéquat pour tenir une compétition. J'imagine aussi que les bourses s'améliorent d'année en année aussi, ça ne doit pas nuire au recrutement. Ben en fait les bourses sont les mêmes depuis le début pour le 15 okay. km. C'est toujours plus de 4 000 $ en bourse, donc c'est en fait bon. c'est la raison pourquoi on a mis des bonnes bourses, parce qu'on voulait des bons nageurs. Si on n'avait pas de bourse, ça aurait été difficile de recruter. Donc depuis la première année qu'on a des bonnes bourses. Et la Coupe Espoir, là, le 5 km, là, nous permet là, d'attirer ça me donne un bon coup de main, parce que les nageurs viennent ramasser des points quand ils viennent faire cette course-là. Là. Donc c'est un petit peu ça aussi là. Qui nous a permis de nous mettre sur la map. Si vous êtes la Coupe Sadillac aussi avec Chibougamau, là, ça aide aussi là. Oui, pour les nageurs de la région, en fait, ouais, les trois compétitions qu'ils doivent faire, la compétition à Chibougamau, le 5 km au lac à Jim et le 5 km à Robertval. Donc ça permet d'attirer un petit peu là, de faire un réseau de compétitions régionales qui est intéressant, où est-ce qu'il y a des bourses également là, au fil des trois compétitions. Donc les nageurs à surveiller aux 15 km sont à peu près? En fait, là, je pense que c'est bien de le mentionner. La nageuse qui vient de l'Abou-Mistassini, l'année passée, elle avait Gabrielle Savard, là, elle avait fait le 5 km, oui, oui, et elle l'avait remporté. Cette année, elle se lance dans le 15 km, donc ça va être intéressant là, de la voir à l'œuvre ce samedi. Sinon, chez les hommes, là, moi, je pense que je miserais là pour Nicolas Massavard, là, qui en est quand même à sa troisième participation. Okay. Si on se rappelle, l'année dernière, il avait terminé une seconde, à une seconde du premier, donc de Xavier Desharnais. Donc, je pense qu'il va être à surveiller. OK, OK. Donc, y a-t-il des nouveautés aussi au niveau? Je pense que tu me disais avant d'entrer en onde qu'il y a un spectacle aussi pour la première fois, là. Oui, ben en fait, c'est pas la première fois. L'an dernier, il y avait un DJ. Okay. On a déjà eu un spectacle dans les années antérieures, mais cette année, là, on a récidivé, donc dès 20h, les Anctils là, vont faire notre spectacle. Donc, 1 heure de version chansonnier. Puis ensuite, là, à 21h, hommage à Bob Bissonnette. Là, donc, on invite là, toute la population. Là, le spectacle est gratuit en plus. Donc, ça va aider aussi. Donc, on invite là, tous les gens à venir festoyer avec nous. Donc, ça commence à quelle heure? Les premières courses sont... Les premières courses débutent à 10h avec le 1 km, mais les inscriptions débutent là, de 8h à 9h30. Okay. Ensuite, là, 10 km, le 1 km à 10h. Et 10h45, les autres courses vont décider à l'intervalle de 5 minutes. Ben, 10 km solo, 10 km à relais, 15 km compétitif et 5 km. Bon, Gabriel, on te souhaite la meilleure des chances. On annonce, je pense, nuageux, mais pas de pluie. Donc, ce serait peut-être l'idéal, évidemment, pour les nageurs. Et au plaisir de se reparler. Merci beaucoup. Gabriel Trottier, la responsable du marathon du Lac Adjé.